Audiomatique. C'est avec le groupe anglais Ladytron que cette transmission 233 d'Audiomatique s'activait, particulièrement avec la chanson Dead Zone parue sur leur album homonyme lancé en février dernier. Audiomatique se poursuit dans la mélancolie. Audiomatique, ce bloc sonore se terminait sur la musique du projet français Fall Therapy et la pièce Concessions de son premier et tout récent album qui se nomme You Look Different. Et avant Fall Therapy, nous écoutions une pièce du projet solo de l'artiste islandaise Solveig Mathildur, chanteuse de la formation Kaylan Mikla. La composition entendue ici se nomme Acceptance of Sorrow Part 1 et apparaît sur le premier album solo de Solveig Mathildur, intitulé Unexplained Miseries et And the Acceptance of Sorrow. Pour assurer la continuité segmentée d'Audiomatique, nous vous offrons à entendre le groupe britannique The Chameleons. Nowhere. C'est avec le groupe norvégien Casio Kids que les sonoristes ont clos ce bloc musical audiomatique. Nous entendions leur chanson Verdens Största Land, remixée par le groupe Captain Credible sous le nom de Captain Credible's Orchestral Stab Remix. Cette version est tirée de l'édition double de leur deuxième album Top Stemning Pa Local Bar. Précédemment à Casio Kids, nous avions droit au projet Boy in Static, mené par l'artiste américain Alexander Chen. De son deuxième album, Violet, nous écoutions la pièce Leave You Blind. Et c'est le groupe britannique The Chameleons qui ouvrait cette séquence avec la chanson In Shreds de leur deuxième album, What Does Anything Mean, Basically, paru en 1985. À Audiomatique, faisons maintenant un saut dans les années 90 avec la formation Sanctum. Sleep. Oh, toujours à Audiomatic. Nous venons d'entendre la pièce The Veil de la formation Lacuna, une formation qu'on pourrait qualifier d'obscure. Elle n'a produit qu'un seul album intitulé Castle of Crimes qui est publié sur l'étiquette 4AD en 1999. Avant Lacuna, c'était la formation Siouxsie and the Banshees et sa pièce Scarecrow, pièce qui est parue sur l'album Peep Show, sorti en 1988. Et c'est avec le groupe Sanctum que s'était ouvert la séquence musicale du premier album Lupus in Fabula. Nous avons écouté la pièce Inner Sanctum. Les sonoristes vous proposent maintenant de mettre un terme final à cette transmission 233 d'Audiomatic avec un groupe originaire de la Caroline du Nord qui a pour nom Cities. De leur mini-album Variations, nous entendrons la pièce Writing on the Wall remixée par le duo, Isan, sous l'appellation de Brutal Foley Mix. Le mini-album Variations comprend différentes versions remixées de chansons apparaissant sur le premier et seul album de Cities qui est homonyme. La transmission 233 se referme pour laisser place à un vide s'étirant sur 6 jours et 23 heures, c'est-à-dire tout juste le temps qui reste avant l'ouverture de la transmission 234 d'Audiomatic mercredi prochain dès 17 heures. En direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. Par contre, avec les univers numériques, le vide peut être en tout temps comblé en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic CFOU. C'est là que vous pourrez accéder à toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Cities et la pièce Writing on the Wall, Brutal Foley Mix. C'était Audiomatic avec les sonoristes. see the writing on the wall. The